Salut à tous et bienvenue pour ce premier épisode de Blindcast, un podcast consacré au blind test. Alors ici, je ne compte pas marcher sur les plates-bandes de scoring ou d'autres podcasts dédiés réellement à la musique de film, mais plutôt un podcast de jeu. On va vous proposer 10 extraits sonores. Je précise extraits sonores parce que pour ce numéro, ce sera des musiques, mais il est possible que dans d'autres numéros, ce soit des extraits de films ou des bandes-annonces. On coupera évidemment le titre, voire des extraits de jeux, des musiques de jeux, enfin bref, un blind test. L'idée ici, ça va être vraiment de jouer avec les musiques, est-ce qu'on les reconnaît, et aussi d'en profiter et de les écouter entièrement. Pas comme un certain Mergreen qui s'amuse à sagouiner ses pistes quand il fait un truc sur les musiques de films. Ça, c'était gratuit Mergreen, c'est pour toi. Voilà, le principe va être simple, on va passer 10 extraits sonores. Donc aujourd'hui, on va faire un spécial Halloween avec 10 musiques de films d'horreur. On va partir du plus connu jusqu'au moins connu. Grosso modo, on va avoir, on pourrait dire, 3 vraiment classiques. 3 blockbusters, 2 films un petit peu plus confidentiels et vraiment les 2 derniers qui sont beaucoup plus confidentiels. En gros, l'idée c'est que tout le monde puisse s'amuser et y trouver son compte. Alors ce qui serait sympa, c'est que à la fin de ce podcast, quand vous aurez fini de l'écouter, quand vous aurez fini de jouer, si vous vouliez poster vos résultats sur Twitter, at Nostalgic1, ou at Sixties qui m'accompagne pour cet épisode, coucou Sixties, coucou, et qui m'accompagnera d'ailleurs logiquement sur tous les épisodes, comme ça on pourrait un petit peu comparer et voir... Ajuster la difficulté. Si tout le monde fait du 10 sur 10 à celui-là, le prochain sera un peu plus corsé. Bref, donc, vous avez compris le principe, on va jouer ensemble, et l'idée, c'est de faire le meilleur score possible, faire mieux que les copains, et en profiter pour écouter de la bonne musique. Donc, on va pas vous faire languir plus longtemps, et on va attaquer tout de suite avec la première piste. Et voilà, donc ce premier titre, vous l'aurez sans doute reconnu, c'est le titre principal, c'est le main title d'Halloween de John Carpenter, film sorti en 1978, et bien sûr la BO est composée par John Carpenter lui-même, comme il aime le faire. Bon, je suppose qu'on ne présente plus Halloween, film classique s'il en est. Je suppose que tout le monde l'a vu, Sixties, tu l'as vu? Oui, Aimé? aussi. De toute façon, t'as pas le choix. Quand on parle de Carpenter, on ne peut qu'aimer. Bref, donc comme je l'ai dit, on va pas débattre du film pendant des heures. En tout cas, si vous n'avez jamais vu Halloween, il faut vraiment le voir, c'est quand même un classique du genre. C'est un film de Carpenter, donc logiquement, même si c'est pas votre came, ça sera quand même un bon film. Profitez-en. Je continue tant que j'ai la main sur le deuxième film, et je pense qu'après je passerai un peu la main à Sixties pour la suite. Ok, vous aurez sans doute reconnu le titre de Zombie. Dawn of the Dead, mais je préfère l'appellation zombie parce qu'on est vraiment sur la musique de la version européenne, qui a été composée par les Gobelins sur la demande d'Argento pour le film de George A. Romero, George Andrew Romero, sorti en 1978 aux États-Unis et en 1983 chez nous. L'histoire est assez connue que Argento est repassé un petit peu sur le film pour le rendre un peu plus péchu, la musique plus palpitante, dirons-nous, plus italienne aussi, et nous donne un film un petit peu différent quand même de l'original. Après, les deux sont des classiques. Personnellement, comme j'ai découvert le zombie européen en premier, bah, j'ai toujours mon petit coup de cœur pour celui-ci, surtout pour sa musique. Après, c'est une question de goût. Sixties, tu as vu aussi celui-là ? Bien sûr. Aimé aussi ? Bah oui. C'est parfait. Et bah du coup, puisque t'es là, je te passe la main pour la suivante. Donc on lance la musique et tu nous donneras le résultat. Voilà, donc vous avez pu reconnaître la musique de L'Exorciste, donc un film de William Friedkin sorti en 1973 aux États-Unis, en 1974, simplement l'année d'après en France, qui est une musique composée par Mike Oldfield. Alors L'Exorciste, autant la version originale sans les cuts, ça passe, autant l'avoir vu avec les scènes rajoutées, voilà, j'ai trouvé ça un peu... On comprend pourquoi elles ont été supprimées. Voilà. Voilà, parce que je dois avouer que moi aussi je l'ai vu au cinéma en version longue, et autant la version courte marche, la version longue... Bah, marche, ouais. D'ailleurs, dans les escaliers, c'était assez risible. Voilà, ouais, on comprend pourquoi ces scènes-là ont été supprimées, ça n'apporte pas grand-chose au film, et le côté esthétique le dessert un petit peu. Exactement. Donc on peut passer à la musique suivante, la numéro 4. Voilà, vous avez pu reconnaître le film Saw, donc un film de James Wan, sorti en 2004 aux États-Unis et l'année d'après en France, qui est une musique composée par Charlie Clouser. Donc Saw, hein, pour remettre un peu dans l'ambiance, on a deux mecs dans une salle de bain et voilà, il se passe des petites horreurs. On a deux doigts du pitch de porno gay là. Disons que la salle de bain est quand même très très sale et qu'ils sont là par le jeu d'un tueur sadique. Voilà, exact. Très sadique. Ouais. Et Saw, comme les autres films d'ailleurs qu'on a entendus juste avant, a donné naissance à une très large saga cinématographique à la qualité aussi variable que discutable. Mais j'ai toujours une petite préférence pour Saw 6. Ou Saw 7. Saw 7, c'est pas mal non plus. Bon, on n'est pas là pour non plus se moquer des films. Non. Le premier, il est quand même pas mal. L'original est quand même pas mal, et ça a été son petit choc à l'époque, il faut bien le reconnaître. Vous aurez aussi constaté qu'on est passé dans les trois films qui seront maintenant catégorisés plutôt en blockbuster qu'en classique. C'est-à-dire que c'est des films qu'on... quand même... Non, souvent on oublie, c'est pas grave. C'est quand même des films qui ont fait des entrées, qui ont marqué, entre guillemets, j'allais dire, leur époque, mais qui sont plus récents, pour la plupart. Donc on va pouvoir enchaîner avec le suivant. Thank you. Donc là, hein, il n'y a pas tellement de mystère. Vous avez tous reconnu Les Dents de la Mer, qui est un film de Steven Spielberg, sorti en 1975. Et c'est une musique composée par John Williams. Donc Les Dents de la Mer, ça c'est le blockbuster. C'est le film qui a donné le nom blockbuster. Ne serait-ce que l'affiche, l'ambiance, enfin on est carrément dans... Dans le suspense. Ouais, on est plutôt dans le suspense que dans l'horreur absolue avec Les Dents de la Mer, mais il faut resituer à son époque. C'est subjectif. Quand même, voilà. C'est subjectif, effectivement. Et à l'époque, c'est vrai que ce genre de plan un peu saignant, ça a pu choquer un peu. Dans un film, encore une fois, blockbuster et quasi tout public. Et rappelons qu'on est en 1975, donc il y a aussi l'époque avec ce petit côté un peu rétro qui peut amener un peu plus d'ambiance au film. Donc on peut enchaîner avec la musique numéro 6. Soit le dernier extrait des blockbusters. Et là, vous me direz tous en cœur, vous avez reconnu Scream, donc un film de Wes Craven. Donc un film sorti en 1996 avec une musique composée par Marco Beltrami. Donc Scream, voilà, on a une bande de jeunes, ça démarre hyper fort. Il y a vraiment le on est dans le campus, on est dans les années 90, très voilà, il y a une... Ça pue les années 90. Non, énorme. Et voilà, c'est un premier dans le genre d'ailleurs, après ça va faire des tas de références, voilà, ce masque, ce rythme aussi qui joue bien avec les nerfs. Enfin, le Scream 1, pour moi, il est blockbuster, culte, même culte. Hein. Voilà. Après, c'est vrai que Wes Craven a toujours des bons concepts. Il arrive à créer des icônes de l'horreur entre Freddy ou Ghostface ou Shocker. Mais bon, Shocker a moins marqué. Après, le côté gros malin de Wes Craven, moi, je l'aime pas. Et le côté très, très méta de Scream, c'est sympa quand on le découvre jeune. Mais avec un petit bagage derrière, tout de suite, ça devient un petit peu casse-pied. C'est devenu une icône. Oui, Ghostface est devenu une icône, c'est vrai. Moqué, repris partout. Et maintenant, on va attaquer les ceux qu'on va appeler un peu plus pointus. C'est plus tout à fait du blockbuster. Normalement, ils vous seront pas inconnus. Quand on va vous dire le titre, vous direz « mais oui ». Mais c'est un peu plus pour les avertis, on va dire. Voilà, disons que c'est un peu plus conséquent. Enfin, le challenge est un peu plus conséquent, même si je dois concéder que la musique de Scream n'est pas forcément évidente à trouver. Donc on enchaîne avec la musique 7. Donc là, voilà, on aura reconnu la malédiction. Ou pas. Ou pas. Donc, un film en trois volets de Richard Donner, sorti en 1976, et avec une musique composée par Jerry Goldsmith. Donc là, on est dans une ambiance un peu dans le style, pour moi, de l'Exorciste. C'est très académique. Voilà, très académique. Là, on est plutôt avec le petit garçon qui est possédé. Il est plus jeune aussi que la gamine qui est dans l'Exorciste. Et il y a une ambiance hyper pesante. Plutôt, on peut même sentir des longueurs, mais on est vraiment dans le psychologique, dans le mental. Enfin, c'est assez lourd en fait comme film. Moi, j'ai beaucoup aimé ce film. Voilà. Moi, j'avoue que ce film-là, je ne l'ai pas vu, ni ses suites, ni son remake, sorti le 6 juin 2006, pour la blague. Mais par contre, comme j'aime beaucoup Richard Donner, c'est un petit manque de ma part, je devrais le voir. Oui, je te le conseille, au moins une fois. Voilà, Richard Donner, c'est quand même le papa de L'Arme Fatale, des premiers Superman au cinéma, des Contes de la Crypte. Donc voilà, c'est quand même quelqu'un... Et donc, voilà, on va pouvoir passer à la musique numéro 8. Attention, on s'approche de la fin. ... Les plus avertis auront sans doute reconnu la musique du Vendredi 13 de Sean S. Cunningham, sorti en 1980 aux États-Unis, 81 chez nous. Et le thème a été composé par Harry Manfredini. Le thème est surtout connu d'ailleurs pour son hi hi hi ha ha ha, qui est apparemment kill kill mama, un petit peu avec un écho dégueulasse. Vendredi 13, ça parle de quoi ? Eh ben, c'est le slasher classique, bas du front, hein, la bande de campeurs qui se fait dessouder autour du lac. Petite blague du premier Vendredi 13, le tueur n'est pas Jason, mais sa mère. On va enchaîner avec les deux derniers, qui sont là pour le coup beaucoup plus pointus, mais pas pour autant totalement introuvables. On y va avec la numéro 9. Thank you. Vous aurez sans doute reconnu, si vous l'avez vu au moins, la musique de Killer Clown from Outer Space, le film des frères Chiodo sorti en 1988 et composé par le groupe punk rock The Dickies. Killer Clown from Outer Space, c'est un petit peu la carte de visite des frères Chiodo. Ces mecs-là sont des génies des effets spéciaux, on leur doit notamment les Critters, vous savez, les petites boules de poils pleines de dents, au film un petit peu... le premier et le deux, c'est cool, mais après, ça craint. Mais Leonardo DiCaprio a commencé dans le 3, d'ailleurs. Mais je m'écarte du sujet. On leur doit beaucoup d'effets spéciaux assez sympathiques, et pour leur propre film, autant dire qu'ils se sont vraiment lâchés, car leurs clowns tueurs venus de l'espace sont vraiment, vraiment magnifiques, en termes d'effets spéciaux. Et la tension proposée par le film et les meurtres qui sont commis dedans sont extrêmement graphiques, pas vraiment dans le sens dérangeant comme on peut le voir en ce moment avec des films comme Terrifier, mais dans le sens, vraiment visuellement, il y a un côté cirque. Ça va avec la thématique pour des clowns. N'empêche qu'il y a vraiment des trucs dérangeants et que c'est un film d'horreur qui mérite vraiment d'être vu. Une grosse série B d'horreur très très bonne qui mérite d'être vue. Allez, on va passer au dernier, et là, ça va être un peu plus compliqué. Et voilà, pour le dernier, j'espère que vous aurez reconnu la musique de Démon de Lamberto Bava, sorti en 1985, très grande année, BO composée par Claudio Simonetti. Alors on est dans le son vraiment italien des années 80, un petit peu granuleux, particulier. Un côté électro, un côté disco qui se télescope, et en plus le tout dans un film de série B. La musique est très particulière, le film l'est tout autant, et pourtant je vous conseille vraiment de le voir, car Démon 1 et 2, ça vaut le coup d'œil. C'est assez simple, c'est des jeunes qui se rendent au cinéma pour aller voir un film, sauf que les gens dans la salle se transforment en démons. Bon, là, c'est plutôt une espèce de zombie un peu crado qui va bouffer les autres et ainsi de suite. Après, l'invasion va commencer, mais peut-être sera-t-elle contenue dans la salle de cinéma, on ne le saura qu'à la fin du film. Et c'est vraiment un film que je vous conseille de voir, autant pour les effets spéciaux assez crado que pour son rythme et sa tension. Et voilà, on touche à la fin de cet épisode, donc j'espère que vous avez pris autant de plaisir à jouer que nous à le préparer. J'espère que vous avez apprécié les musiques entendues, n'hésitez pas à nous dire si vous avez eu un petit coup de cœur ou une découverte qui vous a plu. Si vous êtes des habitués des émissions scorophiles, vous serez peut-être pas tellement surpris. Les prochaines toucheront sans doute soit des bandes-annonces, soit des extraits de films, donc on va un petit peu varier. Comme ça, ça sera moins facile pour tout le monde. En attendant, n'hésitez pas à nous donner vos résultats sur Twitter, principalement, donc @nostalgique1 ou @60s92. Voilà. Juste nommez-nous directement ou répondez sous le tweet qu'on aura mis, ou alors en commentaire sur votre application de podcast préférée. On la verra sans doute. Et ben sur ce, on va vous dire à la prochaine fois, probablement le mois prochain. Merci de nous avoir écoutés et suivis. Et on espère que vous vous abonnerez et que vous nous écouterez et nous suivrez également pour la suivante. La suivante devrait sortir en décembre, aura pour thème les films de Noël, très probablement, et ce sera un blind test de bande-annonce. Et sur ce, à une prochaine fois, salut à tous! À bientôt!